Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Amen les affaibles. Amen ikuya chini sana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Soyez dans la joie frère. Muwe katika furaha banduku. Soyez dans la joie. Muwe katika furaha. Aujourd'hui c'est le jour de lui-même. Leo ni siku yake yeye mwenyewe. Il mérite le louange. Yenjwa na staili masifa. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa hiyo? Si tu as quitté la maison, kama ulitoka kunyumba, tu es venu ici, na kufika hapa, tu dois s'abandonner. Unapashi kuliachiria. Tu dois se laisser. Unapashi kuliacha. Les pensées, laisser dehors. Mawazo yache inje. Tout ce que tu es, laisser dehors. Kile kiote uko ukiache inje. Ici, donner le cœur à Dieu. Hapa umpache moyo Mungu. Et tu verras la solution de ton problème. Na utapata jibu ya mambo yako. Mais comment frère? Sasa juu ya nini nduku? Si. Kama. On l'appelle Jehovah Jireh. C'est à cause de vous. Est-ce que vous comprenez? Si. Kama. On l'appelle Banamuita. El Shaddai. El Shaddai. C'est pour vous. Jehovah Nissi. C'est pour toi. Ni juu yako wewe. Et ce sont les attributs. Na hii ni makazi. Dieu doit fonctionner dans l'épouse. Mule Mungu anapashi kutumika ndani ya bibi ya harusi. Parce qu'il est Dieu. Juu yeye ni Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Premièrement, on doit lire la parole. Kwanza kwanza tutasoma neno la Mungu. Levons-nous pour lire la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Bwana. Prenons le livre des Romains. Tuchukue kitabu ya Waroma. Romains 14. Waroma sura yake 14. À la croix, ô mort, mon sauveur, j'ai crié pour être plongé. Là, Jésus me sauva, me lava. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Pour ce matin béni que tu nous as donné. Je asubuhi yenye kubarikiwa natupatia. Ce n'est pas à notre effort. Haina kwa nguvu yetu. Ni à notre mérite. Wala wa kustahili kwetu. Nous avons reçu cela. Tulipokea. Sans argent. Bila feza. Et sans rien payer. Na bila kulipa kitu. Nous te disons toujours merci. Tunasema tu asante. Nous sommes venus. Tulikuya. Pour écouter ta parole. Je kusikiliza neno la. Nous ne voulons pas voir l'homme. Atupende kuona mtu. Nous voulons te voir toi Seigneur. Tunapenda kuona we écarter l'homme du chemin afin que toi-même tu puisses parler à ton église. Qu'est-ce que moi je connais devant mes frères et devant mes sœurs sinon que toi-même le Saint-Esprit vienne les instruire, bénis la parole que nous voulons les lire, bénis l'interprète, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis le pasteur de cette assemblée, bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Nous croyons certainement que lorsque tu viendras chercher le pouvoir, cette église de Kambo ne manquera pas. Dieu soit loué. Bénis tous les saints partout dans le monde. Quand tu béniras toutes les églises qui seront réunies aujourd'hui, ne manquez pas bénir Kambove, l'assemblée de Kambove, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 14. Romains 14, 6. Celui qui distingue ule mwenye kwa chanisha entre les jours katikati ya masiku agit aussi pour le Seigneur. Yeko natenda hivyo hivyo juu ya Bwana. Celui qui mange ule konakula c'est pour le Seigneur. Yeko nakula juu ya Bwana. Il mange yeko nakula juu ya Bwana. Car kwani il rend grâce à Dieu anamshukuru Mungu. Celui qui ne mange pas wasipokula c'est pour le Seigneur. Ni juu ya Bwana qui ne mange pas jo pale ashikule qui rend grâce à Dieu na yeko namshukuru Mungu. En effet basi ni le ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons kama tukunaishi, nous vivons pour le Seigneur tukunaishi juu ya Bwana. Et nous mourons na kama tukunakufa, nous mourons pour le Seigneur tukunakufa juu ya Bwana. Soit donc wala basi, que nous vivions tukiishi, soit que wala, nous mourions tukikufa, nous sommes au Seigneur tuko ba Bwana. Car kwani, Christ est mort Christ alikufa, il a vaincu alishinda, afin de dominer sur les morts il a pas et sur les vivants. Na yulu ya bazima. Mais toi, alakini wei, pourquoi Gianini, jugeais-tu ton frère? Ou toi, wala weye, pourquoi méprisais-tu ton frère? Gianini una beula nduku yako? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu. Quand il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera la gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous êtes avec moi? Eti mnanifuata? Dimanche c'est comme ça. Musiku ya yenga iko hivi. C'est une habitude. Ni zoezo. Vous allez trouver plein. Utakuta bantu bana yala. Mais à la semaine, mukatikati ya juma, quelques personnes. Batu tukidoko. Oui. Ndio. C'est la nature de l'homme, hein. Jo asili ya mutu. Mais si tu es sauvé, tu garderas la présence de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Vraiment, je tiens à vous remercier. Akika, mina mishukuru. Dans tout. Mubiote. Et je ne sais pas même s'exprimer. Mina shinda takubisema. Même si tu n'as rien fait pour moi, même si tu n'as rien prié pour moi, je vous remercie toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse aussi notre pasteur Pierre Ngoindai, son associé José, tous les diacres, les administrateurs, tous ceux qui travaillent dans la conscience de cette église. Oui, Kanisa. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. J'aimerais chanter une chanson. Parce que moi, je n'ai pas chanté. Frère. Nduku. Où est le directeur de chant? Kiongozi wa mimbo iko wapi? Mboka pole pekitoko. En français, on dit quoi? Voilà. Vous ne connaissez pas? Okay. Okay. Ville de pèlerins. Oh, mon frère. Ce sont des anciennes chansons. Ni mamimbo ya zamani. Hein, frère. Depuis que le message était commencé. Tangia ujumbe lianza. Allez chanter avec joie, frère. Mwimbe na furaha ndugu. Levons-nous, donnez-moi l'onction. Usimame mulete upako. Que le Seigneur descende pour nous parler. Bwana ashuke juu ya kusema. C'est comme ça qu'on sera au ciel. Oui. Ndio. Nos amis sont en train de nous précéder. On ne sait pas demain. Atuyue kesho. Ou le lendemain. Wala kesho yake. Si ça sera ton jour. Kama itakuwa siku yako weye. Faut être à tout moment prêt. Il n'a pas choisi kila wakati tayari. Il faut être à tout moment prêt, frère. Il n'a pas choisi tayari kila wakati nduku. Personne ne vient ici. Hakuna ole kuna kuya pour juger un autre. Jaku kumu mwingine. Et nous ne jugeons personne. Atukumu mutu. Tout Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand tu comprends ça, frère, tu ne regarderas pas personne. Tu vas regarder seulement la gloire de Dieu. Jésus revient, frère. Nous ne sommes pas venus ici pour se familiariser, pour faire des camarades, pour chercher à se connaître. Non, frère. Ici, c'est la vie de l'expérience de chacun. Venez avec ce que tu avais reçu par Dieu. Nous ne jugeons personne. C'est comme le dit Paul. Nous ne jugeons personne. Nous ne sommes pas venus pour juger quelqu'un. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Même si vous mangez, c'est pour le Seigneur. Si tu ne manges pas, c'est pour le Seigneur. Tout nous donnons la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Ne soyez pas distraits. Jésus revient bientôt. Que personne ne vous séduise. Pas de discours de vain. Des discours qui n'ont pas d'importance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que chacun recevra ce qu'il avait semé. C'est aujourd'hui que nous devons porter chacun ce qu'il a. Portez votre propre fardon. Écoutez ce que dit le frère Galate. Frère Paul à Galate, pardon. Prenez Galate chapitre 5. Alléluia. Amen. Oh non, mes frères, lui il est en train de nous juger. Aucun prédicateur qui juge un croyant. Nous ne jugeons rien. Mais nous vous transmettons la vérité. Et si tu as l'esprit de Dieu, tu es la semence de Dieu, tu comprendras ton cri d'appel que le Seigneur est en train de vous appeler. Il dit ceci. Anasema hivi. Galate chapitre 5. Wa Galatia sura ya 5. Prenez verset 2. Mchugue mstari ya pili. Non, prenez Galate 6, pardon. Non, ni wa Galatia 6. Il dit. Anasema hivi. Portez le fardon. Mubebe mizigo. Portez le fardon. Bebeane mizigo. Les uns des autres. Pamoja kwa bengine. Et vous accomplirez aussi na mutatimiza pia la loi de Christ. Sheria ya Kristo. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Ton frère n'est pas votre ennemi. Ndugu yako hana adui wako. Ta sœur n'est pas votre ennemi. Dada yako hana adui wako. Alléluia. Amen. Si nous venons ici, kama tukunakuja hapa, c'est pour porter le fardon de chacun. Nijua kubebeana mizigo. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à côté de toi. Uleko pembeni yako. C'est ta sœur. Ni dada yako. C'est ton frère. Ni ndugu yako. Portez ce fardeau. Mubebeye mizigo. Si portons-nous les uns les autres. Gardons l'atmosphère spirituelle dans la vie de chacun des croyants. Il dit ceci. Si quelqu'un est pensé être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse à lui-même. Alléluia. Amen. Ne pensez pas être quelque chose. Quand tu te penses que tu es quelque chose, tu es en train de jouer de ta vie. Tu se joues toi-même. Alléluia. Amen. C'est un commandement, frère. Tu dois savoir ça. Que chacun examine ses propres œuvres. Parce que ici, nous ne jugeons personne. Ici, personne n'est le sentinelle de l'autre. Mais chacun doit examiner ses œuvres. Si peut-être tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas, tu dois examiner ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons examiner nous-mêmes. Les œuvres excellentes de la parole. Tu dois examiner toi-même. Alléluia. Amen. Je viens à l'église. Je suis chrétien. J'écris au message. Mais quelle est l'œuvre que moi je suis en train de manifester? Est-ce que ce sont des bonnes œuvres? Nous allons y arriver. Tout à fait, Kako. Il dit ceci. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à l'autrui. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez juger les autres et pourtant toi-même jusqu'alors, tu n'as pas encore expérimenté la parole du Seigneur. Jusqu'alors, tu as encore de mauvais caractères. On te fuit même par ton caractère. On t'en fout même par tes comportements. Il n'y a pas moyen que les gens te s'approchent. Parce que tu as de mauvais caractères. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Yes, qu'on a rudi à sa saivi. Ne soyez pas un petit enfant. Ushikwe mtoto kidogo. Nous étions des enfants. Tulikuwa ka batoto. Mais pour le moment, apa sasa, nous ne sommes plus des enfants. Atuna tena batoto. Parce que nous avons reçu l'esprit de l'adoption. L'esprit qui était en Jésus. C'est l'esprit de la vérité. Nous ne sommes plus les enfants. Tu dois se juger toi-même. Alléluia. Amen. Avant de juger l'autre, tu dois se juger toi-même. Car chacun portera ses propres fardeaux. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il a moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas, frère. Si tu as semé de bonnes choses, tu as semé la vie de la parole, tu as semé le comportement de la parole, tu as semé la perfection de la parole, croyez que tu la moissonneras. Mais si tu as semé votre caractère et votre comportement, croyez que vous allez la moissonner. Oui, oui, frère. Il y a des frères jusqu'aujourd'hui pour voir les dents des frères. Pardon. C'est un problème. Au monde, frère, il y a des frères. C'est différent. Et surtout, frère, à ce moment-là, on a mis moyen. Surtout, quand on a semé quoi qu'on a. À ce moment-là, comme ici, quand l'équipe a tourné. Mais il oublie qu'il est qu'un passager. Frère, tu as un commencement et tu as une fin. Ma soeur, tu as un commencement et tu as une fin. Ne s'orgueillez pas. Portez tes propres fardeaux. Le caractère d'un enfant de Dieu doit être une bonne caractère. Un homme qui édifie. Un homme là où on reçoit la paix. Le bego na pokea salama. Tukoki ko banga kayo lokola politicien, frère. A toi su Congo passa mufanya siasa. Ouais, dad. Tukoki ko banga kayo te lokolo za politicien. A toi su Congo passa mufanya siasa. Parce que ba politicien ce sont ba to bazina mayele mabe. Du ba fanya siasa ni batu bego. Kele roko sa prochain na ye. Wakati unamkaribia. Akokipe kote kayo. Na nesu kujisha. Mais surtout, c'est bon, j'ai à tout na filé. Bon, aïe bien, Jumina, yo, lorsque je suis devant mon frère, je sais que nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être un hypocrite. Je dois vivre avec mon frère de tout ce qui est de mon cœur. Tous les sentiments de mon cœur, je montre à mon frère. Et mon frère aussi me donne ses sentiments. Et nous partageons selon la parole. Parce que nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Des mauvais caractères. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Tu dois se juger toi-même. On n'a pas ce que tu as semé. Qui le répande. C'est ça qui a moissonné. Amen. Hein? Amen. Tu as moissonné. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Dès le début, je vous avais dit, un chrétien, mon Christ, il a le droit de laisser les empreintes de sa vie. Parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Lorsque tu marches, frère, laissez les empreintes. Nous devons connaître ce que toi tu avais fait à cause de l'œuvre du Seigneur. Laissons les empreintes. Quelles sont les empreintes que tu nous laisses? Tu es là uniquement derrière les gens. Hein? Tout ce qu'il suit les gens. Il est esclave des gens. Et c'est un efféminin. Il n'ira pas au ciel. Amen. Il n'y a pas moyen de dire la vérité. Il n'y a pas moyen de prêcher la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes derrière les gens. Le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la correction. Oui, je vous dis la vérité. Mon pasteur disait souvent, pasteur wangu alikuwa zaidi, quand un frère, wakati nduku, un prédicateur, mubiri, monte à la chair, anapanda kumimbari, quand il prêche, wakati yego na ubiri, moi je me vois comme si je ne connais pas prêcher. Mimi kunariona samishi yu ataku ubiri. Quel humble. Ah, il dit, mais je vois comme si tu es en train de m'instruire encore. Je dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et toi, lorsque tu montes à la chair, s'il y a quelque chose d'édifié, édifié, jenga, ça peut aussi aider ton pasteur. Frère, Nduku, personne n'est derrière l'autre. Nous croyons, nous respectons les règles de la parole selon neno, la manière que le Seigneur nous a envoyé de le faire. Vous savez, même le Saint-Esprit ici, s'il faut que ça puisse descendre à l'église, il faut nous, en tant que les pasteurs, nous soyons aussi ouverts dans des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, dans toutes les églises dénominationnelles, ils ont pris les enfants de Dieu, ils les ont amenés dans la captivité pour qu'ils puissent seulement les regarder. Ils ne prêchent pas Jésus, mais ils sont en train de prêcher les hommes. Et c'est ça le manquement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient là où il y a la parole. Oui, frère. C'est pour cela lorsque nous marchons, chacun doit expérimenter. Est-ce que vous croyez? Chacun doit expérimenter. Moi, j'écris au Seigneur. Mais je dois expérimenter le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis obligé d'expérimenter le Seigneur. Je suis obligé de s'aimer selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Soyez vigilants. Dans votre foi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il la moissonnera. Celui qui sème la chair, moissonnera la chair. La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Frère. Nduku. Omani njambo tuti koyemba. Unaona hii wimbo ndo natoka mkuimba. Lere tosanga na kana ba frère. Wakati tunakusanyika kana banduku. Ata nanda konangai. Ata kunyumba yangu. Lero tozo yemba yango. Wakati tuku na imba yo. Moto na motami bosani. Kila mumoye kona disabu. Bieneme. Bapendo. Tomimoni lokola tokomi na lola. Tuna jona sa tunafika kumbi. Lero tomimoni lokola lola. Wakati tunarona sa kumbi. Ukomona njamba kiti. Utaona Mungu anashuka. Biso tozali na sango ya masolote. Si atuwezi kusanika tuja michezo. Toto sango ya masapote. Atucheze, atufanye michezo. C'est un message promis par Dieu. Ni ujumbe barilaka kwa Mungu. Et ce message est surveillé par le Saint-Esprit. Branham a dit, Branham a dit partout il y a ce message. Si ujumbeta. Ça sera répété dans la manière qu'on nous a prêché, la kubi. Colonne de feu sera là. Moto itakuwa pale. Parce que ce n'est pas le message de quelqu'un. Dieu a une ujumbe ya mutu. Ce n'est pas le message de Branham. A une ujumbe ya Branham. Ni de Ward de Frank. Wala ya Ward de Frank. Ni de Pastor Ngoi. Wala ya Pastor Ngoi. Ni de Mateo ya le qui vous prêche. Wala ya Mateo mwenye kumiubiri. C'est le message de tout puissant. Ni ujumbe ya aliye wa uwezo. Il a envoyé uniquement pour les enfants. Ali tuma tu juu ya batoto. Quand vous l'écoutez, wakati unaisikia, Jésus prend la place. Yesu anachukua fazi dans ton cœur. Mumoyo wako. Et il commence à manifester. Anaanza konekanisha. Pour montrer au monde. Dunia. Voici mon témoin. Voici celui qui m'a écouté. Voici je suis là. Voici. Tazama. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Il faut savoir ça, frère. Quand je marche, j'ai une orgueille là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Yango frère. Vérité. Même si vous ne voulez pas payer le billet pour le moi. Seigneur, qui m'a appelé dans ce travail. Et je ne fais pas la compromis. Il fera le tout. Yote frère, il y a un hôtel au Kolanjame. Akuna ule kuna feza sa Mungu. Hôtel au Kolanjame. Auna na feza sa Mungu. Il a beaucoup d'argent. Il suscitera. Atalamusha. Taisate mena betri mino témoignage moko. Acha nimpatie ko ushuda moyo. Nasikile kangona ngomba. Pardon. Nale kana ngomba. Ah nipite tu haraka. Na ye voyage missionnaire wana Katanga premier fois. Nilikuwa ni voyage missionnaire ya kwanza mukatanga mara ya kwanza. Na le kinjela ya Kasai. Nilipita ile njia ya Kasai. Na komi directement na Kamina. Nikafika ku Kamina. Confinement yeye. Kuna kwa confinement. Lele na komi wana. Wakati nafika kule. Mimi nafanya miezi mbili. Sans prêcher dans la confinement. Bila kuhubiri mimi nikala confinement. Ah Kinshasa wanaanza kulia. Ukosala ndenge nini? Utafanya je? Ba frère bazo benga ngai. Bantu kubeko na nita. Jamba konsoleo. Mungu akufariji. Frère walikaa yeko benga frère kazadi. Duku walikale akaita nduka zadi. Frère kazadi alobi na ye. Nduka zadi na akasema. Achevez frère akomawa. Wewe ufanya nduka afike. Kule za lokola fermé. Kule kusa kwa kufunga. Semaine normale ya Kinshasa ya. Jia kupita Kinshasa ni huko. Soki bako de confiné. Bakafungua wale koeba ndenge nina luka moyazo ayo namna kani ya kurudia ba meminga na motuka bakanibeba motoka yeye kutika ngai pa Afrika zadi ikaniacha kwa nduka zadi na fandi wale mimi naikala kule na bandiko bonde la njama mimi naanza kuomba Mungu na confinement huu confinement huu na kosala ndini tafanya je afandi wana mimi naikala pale na sundola libota na ongea na sundola libota mimi na sabu mimi natupa nyumba. Pendant 6 mois, kadiri ya miezi 6 nazao ni kupaka hapa directement ba de confiné baka fungula sasa banaacha de orolero ba de confiné wakati banafungula njia nazao tena 10 francs mimi shukua tena 10 francs frère nduku na botika ka courage mimi na kwa tuna ugari na kwa tuna kwa agence avion enda kulisa agence avion bazo bisangae bakaniambia pasteur pastori. Il faut attendre après 3 semaines ou 4 semaines. N'a pas chunga majuma parce que tout c'est plein. Djuba tu vas yala sana. C'est à Zaliko la kisanga. C'est à kanza mionesha. Il na yala. Première semaine plein. Djuma kwanza na yala. Deuxième semaine plein. Djuma pili batu bana yala. Troisième semaine plein. Djuma tatu bantu bana yala. Na ke Congo Airways. Nikaenda ku Congo Airways. Na ke Goma. Nakaenda Goma. Na ke bo tout c'est plein. Ko te bantu bana yala. Les gens ont fait la réservation. Bantu bana chungisha mafuashi. Mungu wangu. Na sasa isusu eh mwa hizi. Nifanye tena mwezi mwingine. Na mwezi na kaiposa na bana na ngai. Bibi na batoto meko na miki yangu. Eh, jambe ko sala bongote. Mungu hawezi kufanya hivi. Na za tena 10 francs. Mimi sina tena 10 francs. Bien-aimé. Bapendwa. Bien-aimé jambe ya mystique. Mungu yuko mystique kwa ajabu. Na zongi na ndako. Na karudia nyumba. Na bondeli. Nikaomba. Na hivi sinja. Nikamwambia Mungu. Saki na hiyo sali nayo. Kama nikumtumishi wako. Lakini sasa elembo. Unioneshe alama. Na mone elembo. Nione kila alama. Avyo ya liboso. Avyo ya kwanza. Na ina Je vous dis la vérité, Oui, frère. Nachaka telikate. Mishi wekake tumaini hapana. Nayo kambala moko? Nikasikia tu. Na ke? Mimi naenda. C'était un certain dimanche. Il quoi si moi ya yenga ya. Namo novemba moko frère kaza dia. Nikaona nduku kaza de kanuliza. Frère. Nduku. Viens. Kuya mbele. Est-ce que tu sais qu'on a des confinés? Unaiya sema bana fungula njia. Je dis oui frère. Mimi nasandio. Wanaisho fungula njia. Mais ta position comment? Sasa unawaza che. Je dis non mon frère, mais apana, le Seigneur connaît. Ah bwana ye munyana yua. Na ye bizega bon. Mishi we. Asekinga lobi mais le Seigneur connaît comment? Va d'abord te demander les tickets comment. Wende ulise mbele pay ya ticket biko. Je dis frère, je connais déjà. Nduku mimi naisha kujua. Je vois directement il appelle. Naona kaita. Frère Kapata. Nduku Kapata. Viens. Alléluia. Ah, ambo. C'est quoi, frère Roy Alinga Salani? Unduku anafia kufa nini? Frère Roy Alinga Salani. Anafia kufa nini unduku? Eh bien aimé. Eh ma peine. Je ne veux même pas l'espoir. Chukua tana tumaini. Je ne comptais même pas. Chiku tumaini ata. J'ai appelé frère Kapanga. Nikamuita nduku. Frère Kapanga m'a dit. Nduku Kapanga kasema. Tu dois attendre dans deux semaines. Tunga majuma mbili. Parce que nous étions en confinement. Tu tulikuwa mu confinement. On doit se débrouiller. Sasa tunapashi kutafuta. Pour que tu viennes. Tu pate kuya. Directement ici. Pale hapa tu. Dieu a restauré le billet. Mungu akatengeneza ticket. On m'a donné le billet. Akanipatia ticket. J'ai dit Seigneur. Nikasema Bwana. Mon voyage est déjà prêt. Safari yangu inakuwa tayari. Même Ata. Le col à bateau n'a pas l'obi que si que ça te l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi frère n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi tu viens encore pastor n'a pas l'obi j'ai dit moi mon frère ndio ndugu n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi n'a pas l'obi Na kena Congo Airways. Nikaenda Congo Airways. Na lobis. Nikabambia. Balobi na ngabalobi o pastor. Baniambia pastor. Mais ozonyo kwa magara kufuta transport. Huku na teso tu nakunipa transport. Tunesho kuambia. Na lobi. Nikambia. Na ina kokene na bavio yo so anate. Nisi tenda na bavio yo. Premier avio il faut moi si na ngamonda nga. Avio inapashi bibi yangu anione. Nafandi wana. Nikekala pale. Nabandi ko simba ka telephone. Ni nanza pa kucheza mu telephone. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Na mona sœur moka zo ya depuis bureau na ye. Dada mwaka kuya kutoka bureau. Azo ya za moninga. Akambia rafiki yake. Est-ce que ko luka moto moko po? Unaweza utafuta. Basi ya moto tela lobia ko voyager li susute. Utafute fashi ya mtu ula alisema stand. Era soleli na era Swahili ngana zo yoka te. Akasema mu Kiswahili mishi. Mbona bebo na maso na pastor ti ala chance. Mimi no le pastor mwa ka pastor ngo na bati. Je. Va payer. Wende kaombe. Le billet là-bas. Wende uripe biye kulipa. Aleluya. Est-ce que vous comprenez? Hezi munasikia. Premier avion. Avion ya kwanza. Na wana na kitina kichasa. Ni ule mina shuka mkichasa. Dame wana na bosa na ye. Ule Mungu wa vile ni musabu. Frère, Duku, si Dieu kama Mungu, il n'agit pas, achitende, parce que nous le croyons par des doutes, na muamini na mashaka, mais si nous sommes sûrs kama tuku na hakikisho, que c'est Dieu qui nous a envoyés, kama ni Mungu njo alitutuma, c'est Dieu qui nous a cherchés, Mungu njo alitutafuta, c'est Dieu qui nous a trouvés, Mungu njo alitupata, nous verrons la gloire de Dieu. Na utukufu ya Mungu. Soyez sûrs que tu es un enfant de Dieu. Soyez sûrs que tu es une fille de Dieu. Ne regardez pas les gens. Oui, frère. Je ne peux rien te donner quelque chose de bon. Si tu mets l'espoir en moi, je vais te donner mes pensées à moi. Et si je te donne mes pensées à moi, c'est la mort qui t'amène. Fais attention. Musopoke. Il dit. Anasema. Mais celui qui sème. Pour l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Ne vous lassons pas de faire le bien. Quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas, est-ce que vous comprenez? Lorsque tu fais le bien, ne le lâchez pas. Il dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, est-ce que vous comprenez? C'est la parole du Seigneur. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères de la foi. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons être. Tu dois être une édification pour ton frère, pour ta soeur. Jésus revient bientôt. Écoutez, 1 Jean, Yohane wa kwanza. 1 Jean 3. Yohane wa kwanza sura 3. Verset 9. Mustari ya kenda. Oh, makambo kitoko boy. Bitu bizuri hivi. Bien-aimé. Bapendwa. Je vous considère les enfants de Dieu. Ni unamiona sima mungu batoto ya mungu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au hasard. Aina kwa bule, kwa bati. Que tout tika ba denomination. Wache tu mazebu. To ya hawa. Tuku ya hapa. Ezate poto sakana. Aina juu tucheze ya pana. Mais. Alakini. Parce que tozane loko moko ya bonzambe. Tu kuna kitu kia kimungu. Oyo nzamba tiela biso na motema. Kile mungu aruweka muro yetu. Lere tozo yuka ya go. Wakati tunasikia yakyo. Ezako sala biso ya sengo. Inatufanya. To ya kamokolo na mokolo pona koyoka lilo barasa. Tuna kila wakati jua kusikia. Bonzambe wana. Ule mungu ule. Jésus revient. Yesu eko narudia. Préparons sérieusement. Tutarisha na haraka yote. Verset 9 à 10. Musari akenda 12. Il dit ceci. Asema hivi. Quelconque aime de Dieu. Quelconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bien-aimé, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. L'ère malobo et zolobama abataye po branam. Est-ce abataye branam? Eti banataye po branam. Bâtir semence à Branham. Banaweka pombeko à Branham. Bâtir semence à Frère Frank. Banaweka pombeko à Ndugu Frank. Bâtir semence à Montoguna. Banaweka pombeko à Mutupale. Malobi, celui qui a la semence de Banasema Dieu. Banasema uleko na mbeko ya ne pêche. Atenda ke tena zambi. Alléluia. Amen. Atumikie tena zambi. Tu dois savoir que votre propriété, mali yako, c'est le Seigneur lui-même. Bwana Mungu yeye mwenyewe. Tout ce que tu fais dans la vie, ce que tu unafanya, ça doit être la gloire du Seigneur et non la gloire des hommes. Bwana jua utukufu ya watu. Alléluia. Amen. C'est dada. Atasoko tosaka mobali. Ataka mone shimia. Atasoka joko la kayo. Ataka mana kuteswa. Mais yo zali ko continuer ko tosa ye. Wo unaendelea kumuti. Ezate parce que il mobali. Aina sema tu ni bwana. Aza lo côté devant yo. Ana kitu mbele yako. Mais soko zo tosa ye. Kama kuna muti. Ni kolona nzambi. Ni juu ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Lokola nzambi tindi yo. Kasi Mungu alikutuma. Na mokiroza la simana ye. Dunia uko nyuma yake. Oza oblige o sala yango. Upate kuti. Ufanye vipi? C'est pour la gloire de Dieu. Ya Mungu. Alléluia. Amen. L'ère liloba. Wakati nene. Ezali kotinda biso. Iku na tutuma. Tozala na fraternité. Tupate kwa na ushirika. Toyobana. Tuyowane. Toyokana. Tusikilizane. Ezali teke pona. Aina juu ya. Lokola yo sana bozui. Juu kuna mnamna. Gari na iku bola. Mina kwa masikini. Nena yako fungama na yo. Nipate kutuanga mbele ya. Eza bongote. Aina vile. Me lokola liloba. Sa vile nene. Etini toza na bomoko. Nafanya tuko mbele. Ata usana bozui na yo. Ata kama kuna mali. Nimake toza na bomoko. Mimi asima tuko mumoja. Nikolo na kolo Yesu Kristo. Bele ya Bwana Yesu Kristo. Ebele yao. bamingi hapa tozo bima tukunatoka toyebani bakombote atuyona hata manjina topesa na kata mboto yote atulamukiana hata mukono soki tobimiwa na biso kitana bisi biloge shibota ni kunyoosha paka shibo wana yoa nozokeni auye kule mwenda sasa de l'orgueil ni kiburi. Ton frère à côté de toi. Ta sœur est à côté de toi. Dites à lui que Dieu te bénisse. Bien aimé, ton nom c'est qui? Mapendo. Moi c'est ceci. Fulani. J'habite dans tel avenir. Et vous devez se connaître. Unapenda tukafamiane pa kumbingu. No, frère, on doit se connaître ici. Soyons dans l'union, soyons dans l'union à cause de la parole. Oyebi frère na yote. Au yue nduku yako. Mpesa na gambotete. Au mula muki yako. Mpesa na yosa pastor ayeba yo. Unapenda paka pastor ya kumwe. Omani teko za charnele. Aona simu kuwa kimwili. Uine na bonjoto. Unakwanda kimwili. Mase. Dada. Même si le pastor ne te connaît pas. Ataka mapastor ya kumwe. Mais si Dieu te connaît. Kama Mungu yana kujua. Dite gloire à Dieu. Sema sifa kwa Mungu. Amen. Cherchez que Dieu te connaisse. Tafuta Mungu akujue. Or, pour que Dieu te connaisse, Mungu akujue. Il doit voir tes œuvres. Ataona matendo yako. Envers tes frères. Mbele ya bandugu. Envers tes sœurs. Mbele ya badada. Quelles sont les œuvres que tu es en train de manifester? Matendo kanilo kunatenda, kunaonekanisha. Menons une vie. Tuishi maisha. Qui doit louer l'esprit. Ya pashu kusifro. La vie qui doit louer l'esprit dans l'église. Maisha ya pashu kutukuza roho mkanisa. Qui doit nous faire retourner. Inapashu kuturudisha. À l'ancien monde. Wile maisha ya kumwanzo. À l'église apostolique. Wile kanisa ba mitume. Dans des anciennes bornes de la Bible. Makati ya kumwanzo Biblia. C'est ça ce que nous devons être. Jo kile tunapashu kuwa. Amen. Amen. Frère, wana kutuna yebye yete. Ule ndugu, mishi waka tanji nake. Frère, oyo balobike azan hôpital. Ule ndugu, banasema yu m'hôpital. Mishi mfamiyake. Mishi mfamiyake. Oyebye yete pona nini. Au mfamiye jene. Parce que ozala korgeye. June kalawa kiburi ya matifu. Olina koye banana bandekute. Au pendake kufamiyana na banduku. Frère. Ndugu. Mosa pimoko. Kilole kibongo. Elongo la kasirite. Akezu kondosha. L'union fait la force. Amungano yu naleta ngu. Un jour okokoma na difficulté. Shiku mwongu takwa katika mabu. Frère, oyo zoti yola wana. Yena motako yako sumayo. Yena motako kusaidia. Oyo kima se. Auna shikata. Mosa pioyo moko. Kilole kimoyo. Eko kiko longo la sirite. Akezu kondosha chawa. Ifesa naneko mamibane. Napashi kwe biwiri. Un jour. Shiku mwoy. Lera makasi. Wakati. Nabo yebo yozana ngoana. Ana ile kuyo. Eko sila yo. Itakuisha. Ndeko wana ndeko yako sumayo. Ule ndugu na beula njua takwa kusaidia. Amen. Amen. Quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que c'est faut connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quelqu'un qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas ses frères. Alléluia. Amen. Quand tu n'aimes pas tes frères, tu n'as pas la semence de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez le conseil de Pierre. Musikie shauri ya Petro. Pierre aussi nous conseille. Petro na natushauria. J'aimerais que pasteur puisse lire ça. Napenda pasteur atusome. Pierre chapitre 2. Petro sura. Écoutez attentivement ce qu'il va lire. Musigilize na utaratibu. Pierre chapitre 2. Petro sura ya 1 Pierre chapitre 2. Petro kwanza sura ya pili. Verset 5 à 10. Mustari atano. Écoutez attentivement. Musigilize na utaratibu. Écoutez. C'est un conseil. Ishauri. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Petro wa kwanza sura ya pili mstari ya 5. Et vous-même comme des pierres vivantes. Na mwe wenyewe sema sawa majiwe ya bujima. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mupate kujenga juu ya kutunga nyumba ya kiro. Un saint sacerdoce. Kikuani takatifu. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Ili mpate kutoa mazabihu ya kiro. Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la parole? Édifiez-vous vous-même comme des pierres vivantes afin de former. Alléluia! Une église spirituelle à cause de Jésus. Si nous sommes rassemblés, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons garder notre atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bapendo. Est-ce que vous le croyez ainsi? Alléluia. Amen. Parce que devant nous, ce qu'il doit être manifesté, c'est la vie spirituelle. Ni maisha ya kiro. C'est la vie spirituelle. Ni maisha ya kiro. C'est la pratique spirituelle. Matendo ya kiro. Continuez, frère. Wendele shenduku. Kwani imesemewa. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Amen. L'honneur est pour vous qui croyez. Parce que celui qui vous a fondé, celui qui est votre pierre angulaire, c'est le Seigneur lui-même. Et quand vous le croyez, vous avez l'honneur. Continuez, frère. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia! Amen. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qu'il vous a appelé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Celui qui nous a appelé dans les ténèbres, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Nous devons annoncer ses vertus à lui. Alléluia. Amen. Dieu a ses vertus. Est-ce que vous connaissez les vertus de Dieu? L'église, vous connaissez? Continuez, frère. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoiter convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un frère dans dans le message Mujumbe. N'est pas un pire réchauffement. Celui qui croit au Seigneur, ma soeur, Dada. Ne soyez pas les choses de premier réchauffement. Est-ce que vous comprenez? À cause du Seigneur. Dieu ne soyez pas un élément de scandale. Notre conduite. Manifestons les vertus de Dieu. Alléluia. Amen. Même toi qui fais le diaconat, tu es là pour l'édification. Un diacre n'est pas là pour choper les gens. Même toi qui fais l'administration, tu es là pour l'édification. Non pour choper les gens. Même toi qui chante, même toi qui interprète. Alléluia. Amen. Même toi qui prêche, tu n'es pas là pour un achoppement. C'est pour l'édification. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lorsque nous travaillons l'œuvre de Dieu, ne travaillez pas avec une négligence. Ne soyez pas un homme têtu, une femme têtu dans l'œuvre du Seigneur. Quand tu es têtu, c'est-à-dire tu es en train de se rebeller contre Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un homme civilisé qui comprend les règlements de la parole, qui comprend les principes de la parole, qui marche selon l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez, frère. Si ça arrive à 10, tu te le mets. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes là. C'est pour l'honneur du Seigneur. Sans cela, je ne sais pas. Si tu es là pour l'honneur des gens, tu restes ici. Tu n'as pas encore fini, frère. Il a déjà fini. Tu as fini, hein? Oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? Et aujourd'hui, la religion dini est devenue inakua un obstacle kizuizo devant les yeux de Dieu. Bele ya macho ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? La religion dini, ma religion dini yangu, ma religion dini yangu. C'est ça ce qui fait l'obstacle. Yo inakuwa kizuizo dans les yeux de Dieu. Macho ya mbele ya Mungu. Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. Que Dieu travaille. Mungu atumike dans les églises. Mu makanisa. Parce que nous avons mis beaucoup de points. Ju tunaweka bizuizo mingi. Beaucoup de choses. Vitu mingi. Ça ne sont pas la parole. Biasipo kwa neno. Mais ce sont nos pensées. C'est à nous. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas cela. Atuna kile hapana. C'est qu'il nous faut des religions. Venye ufanya dini. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église de la révélation. Kanisa ya ufunuo. Et la révélation de Dieu ya ufunuo ya Mungu vient de la manière que Dieu lui-même veut. C'est pour cette raison, mon frère, je vous avais déjà dit, cette église kanisa n'imite aucune église. Il faut attirer Canisa Tabo. C'est l'église de Dieu vivant. Dieu le conduit selon la manière. C'est lui-même Dieu trouve l'esprit ici. Il est Mungu mwenyana kuta roho ya pahali. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu, il est souverain. Il connaît l'esprit de Cambodge. Et tous les saints de Cambodge. Et quand Dieu vient, Mungu anakuja, il ne peut pas parler kusema, comme ce qu'il fait konafanya, à l'équateur. Parce qu'il connaît aussi l'esprit de l'équateur. Il a des nourritures à donner ceux de l'équateur. Celui-ci de Cambodge, il a aussi des nourritures. À de l'air donné. Mais nous tous, c'est pour le perfectionnement de l'église de Dieu vivant. C'est l'église de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme catholiques. Atuna sa catholique. Que il est la lecture qu'on a lue ici, on doit lire là-bas les on doit lire en Zambie. Et c'est le même programme. Ici, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère. Toi qui aimes derrière les gens, avec trop d'imitations, n'amenez pas ça ici. Si vous ne voulez pas avoir de problème avec Dieu, n'amenez pas ce que tu vois là-bas pour amener dans cette église. Sinon, tu auras des problèmes. Nous ne voulons pas de religion. Atupende madini. Religion. Madini. Ma religion. Dini yangu. Non. Apana. Ça, c'est le paganisme. Ile ni ki. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa. L'église ici, Kanisa. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza. Je vous dis la vérité. Amen. Ata pasteur Nabino. Ata pasteur Wey. Les associés naïe. Ata mufasi wake. Parfois, bama takana sera yebi aloko akolobate. Bana pandaka kumimbari abayata bila biabata. Nazo bisabino solo. Nina miambia kweli. L'obèse à l'église en jambe était. Ah, au moins, il n'a qu'à dire ça. Mais c'est que l'église en jambe. Kama ni kanisa mungu. Den afandi wana. Ata vila ne kana fan. Alors, kosembo. Ah, asembo tukwe. Ama takana l'église yebi yebi aloko akolobate. Ana pandaka kumimbari abayata bila biabata. Ana Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Il est en train de corriger ses enfants. Il veut que ses enfants soient droits. Alléluia. Amen. L'air est au bout de ton amour, caca. Tu n'as pas la vision de l'homme qui a été. Amen. Bien aimé. Bapendo. Ton salaire quand même est constant. Tu n'as pas n'y a qu'à voir. Au médité. On a eu ce frère, yo, yo, ma frère, ma prédicateur. Bandou, ma obir, wa, bap. A quoi qu'on médite, on a eu ce qu'on fiki. Mais après, ma, oh. On a fiki, ap. Non, ma changé. Nous, on a mou indiche en djé en Guinée. Est-ce que frère, ça n'est pas comme ça? Aïe, la ville, Chimjoville. Amen. Tout cela pourquoi? Il est yoté Dieu. C'est Dieu qui connaît l'esprit là-dedans. C'est pour cela, frère. Soyons sérieux. N'amenez pas votre comportement. Bien aimé. Bapendo. Sans cause à la confiance et à bateau. Comme on a tout maïnia. On a confiance à l'inobaté. On a tout maïnia. On cotique là. Tabakia. Alléluia. Amen. On cotique là. On tabakia. Ozalaki na Kolwezi. Urugua Kolwezi. Olongwe na Kolwezi. Unatoka Kolwezi. Okomi mwende pepe. Unakwa. Okomi na Kambove. Kiloko tu unafika Kambove. Uli uza la confiance na bato kuti. Unapare akutumania. Yo okomi confiance kaka na Kolwezi. Wona tumania paka bantu wa Kolwezi. Frere ozala kwa nendumba ya molimo. Ah, huku tu ndumba wa kiro. Amen. Mkaba wa kiro. Na kita bien. Nishuke mzuri. Ozala kane kidumba ya molimo. Unafanya sa mkaba mkiro. Alleluia. Amen. Amen. Croyez que là où tu te trouves, c'est là où se trouvent tes frères. Amen. Quand tu trouves une église, s'alignez-vous dans cette église. Écoutez ce qu'il prêche. Amen. Est-ce que c'est conforme à celui que tu avais écouté là-bas? C'est par là que tu auras confiance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si c'est réel, ce qui l'ingomba yokuti, ezakoloba, ezakoloba, ezakondima, ndenge moko, nesika uuti. Bona nini ozalia ozaliawa. Jua nini kukule tena huko hapa. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Aina maisha mu Kristo ile. Ça c'est l'impudicité spirituelle. Ni mtumba wa kiroho. Amen. Oma Nzambo ya chakio ule Mungu alikuweka hapa par exemple na fungurume na zingine mfungurume alongoli ona fungurume anakutosha fungurume ache ona kambo anakuweka mkambovu ayebi pourquoi anayua jua nini arifa vile amen ah bondi baka mene na makasi uitike amene na nguvu ayebi pourquoi anayua jua nini alongoli yokuna alikutosha kuna parfois sa zingine kuna kule ozalaki na ba promesse te ba uko na malako melero kokoma na kambo wakati unafika mkambo esi kama kambo na wewe kongenga bitu yako binatendeka mzuri zala confiance place wana utumaini ile fuashi koza la bilandela ndate hapana kwa nyuma ya mtu amen. Ngailele na bonde laka. Wakati mimi naombaka. Seigneur. Bwana. Tu m'as appelé. Urinita. Je pourrais être ton fils. Nijua kwa mtoto yako. J'ai besoin de toi. Mina kuitaji. Alléluia. Amen. Quand je vais prier. Wakati nitaomba. Pour l'assemblée de Carigres. Jua kanisa Carigres. Je bénis l'assemblée de Carigres. Ubariki kanisa Carigres. Bénis notre pasteur. Ubariki pasteur. Mais je sais que moi-même je suis ton enfant. Mina yua sami mwenye ni kumtoto yako. Je fais partie de cette assemblée. Mina ni kusemu ile kanisa. Quand tu me béniras. Wakati utanibariki. Bénis aussi mes bien-aimés qui Ubariki tena na bapendwa wangu be kule. Alléluia. Amen. Parce que je suis là. Juu niko pale. Pour l'édification de l'église. Jua kujenga kanisa. Toi aussi. Na wewe. Tu dois savoir. Unapashi kujua. Si tu es ici à Kambo. Kama uko Kambo. C'est pour la bénédiction de ni Dieu baraka hii kanisa. Amen. Amen. Foyo baga yangu. Na pas wiyuwe file. Ngai nazalaka contre na ba frère oba zina no position li robanja mbe. Mine galaka contre na bale banduku bashipa kusimamia neno la Mungu. Oui frère. Ndio nduku. Parce que les habilité. Dieu aina mzuri. Vous savez, Munajua, les loba frères et à province, Leo banduku wa jimbo, bakomi na Kinshasa, banako Kinshasa, kosala masambo mosusu tu bato atone, jua kuenda kuomba fashi ngini zaidi bantu wa matone, bazo wele la dime, beko na fui ya chekumi, lokola yo longwe awa, vile wona toka hapa, lokola pe oza laka mondime suto, yebi nwa liloba njambe ke, sa vila una mwaminifu wa yote na neno na mungu, batindi homo sala na Kinshasa, banakutuma kazi u Kinshasa, okomi kuna na Kinshasa, unafika kule Kinshasa, okomi kwa sambe na kuna, unaanza kuomba kule, okomenga isusu awa te, okozonga lisusu awa te utalibia tena huku sikosuke komi ngongadime kama ni mambo kutoche kumi okomi kobenga kambovu unaanza kuita kambovu kambovu kambovu kambovu epa kutika lari wana te kambovu na asa soka yokike lari eze ebele asichika semele fesa ni amini aste yacha akomi kobenda lari yaga anaanza kuita frange kwa kuna yozo lari loba kule huku nasikia neno huku njoko natuma chekumi aina vile abiambatana na neno la Mungu amen. Et le pasteur a yebike. Wakati pastor anaambia, "Sasa lakini nene kiza ke kishasa." Kwa na yeye uko. Lokola biso ba frère ba prédicateur to comme na bozu posa mbongo. Sasa vile shiba ubiri tunakuwa na itaji ya pesa. Ni telefoni kafanya kanisa kule. Oh mbongo, neke nisika mosusu. Pesa shende fashi nyingine. Oh mbona neke ba frère ba koma charnel. Unaona banduku makoma kimwili. Haleluya. Amen. Amen. Tu biote. Ça passera. Tapita. Amen. Retenons la valeur de la parole. C'est celui qui nous a appelés. Il est fidèle. Mbongo ekosala yo eloko te frère. Fais ça et ta franchir qui tout. Alléluia. Amen. Mbongo ekosala yo eloko te. Fais ça et ta franchir ku kitu. Tu vas laisser ça? Ou te yacha? Un frère ya tonnerre. Ndugu moya mwenye kwa mimi mingu. Na yoki leo natonga uti kukufa. Ah, nasikia leo asubuhi anakufa. E babete linga lisolo. Bananiambia. Na ndako naye. Munyumba yake. Abenga ba mama yoso veve. Arita. Ba mama bazani lokote. Ba mama bote bayane ba mashikini. Na fenetra boke la kama ngombongo. Paririsha ranzo batumia feza. Na batumia feza. Sasa leo. Njambo ya kiraga leo la pemo kili. Mungu la rumba mbingu na dunia. Yewe ana retire. Yewe ula na mtosha kwa dunia. Mungu anakozwa lisusu. Sasa ile feza ataipata tena. Eh bien aimé. Eh mapendwa. Akozwa ngali susu atapata tena bato mozu bagolea yangu bantu bengine batalia bule pour te dire que je vais kuambia kwamba c'est que toi tu dois s'attacher à Dieu ile unapaswa kupatana na Mungu ni pata neno la Mungu. Respectons la parole. Tuheshimie neno la Mungu. Prenons le valeur tubebe bei ya la parole ya neno la Mungu. N'amenez pas votre religion dans l'église du Dieu vivant. Écoutez ce que dit frère Franck. Cri d'appel au réveil. Il dit ceci. Ah, c'est maïf. Frère Tanga Kakapona Kouwele Langong. Donc, on y sommet tout déjà au combat à Wakati. Viens. Bolanda, lecture, n'est-ce que frère Franck Azakolobe? Mousso, moufoua te vile Ndouk Franck. Tout ça, quoi. Tanga Awa. On y sommet tout. Au bandipe Awa, au soukipe Awa. Les religions sont en définitive de véritables obstacles entre Dieu et l'humanité. Chaque religion a son fondateur. Kila dini iko na ula rianza. Elle est une invention de l'homme. Na iko ni mtu njo aliitunga. Ce qui demeure vrai pour toujours est que kile kinabakia kia kweli kwa lote ni le chemin de Dieu vers nous est notre seul et unique chemin vers Dieu. Njia yetu ya kutupeleka kwa Mungu peke yake. Déjà au commencement du temps des apôtres, kumwanjo wakati ya mitume, il y a eu des frères qui étaient sous une fausse inspiration batu naongozi ya mbaya ya ro, et qui avaient introduit des doctrines pernicieuses. Baringisha mafundisho ya bongo. Est-ce que vous écoutez? Amen. Depuis le temps des apôtres, tangye wakati ya mitume, il y avait des frères qui étaient remplis de démons, barijazi wana mapepo mchafu, qui lui donnaient leur propre pensée pour instruire leur doctrine qui ne sont pas la parole du Seigneur. Écoutez, notre frère, les apôtres ne pouvaient même pas empêcher cela. Très vite, les Nicolaïtes et ceux qui prônaient les enseignements de Balaam ont pu attirer l'intérêt du public. Très vite, les Nicolaïtes et ceux qui prônaient les enseignements de Balaam ont pu attirer l'intérêt du public en se faisant des disciples. Amen. Il y avait aussi une prophétesse nommée Jézabel qui enseignait et séduisait même les serviteurs du Seigneur. Ces choses sont prédites spécialement pour le temps de la fin. C'était et c'est encore l'intention de Satan de détruire l'ordre divin. Ni kutaka kwa shetani kwa kuharibu usawa wa Mungu. Ilikuyaka na ni kutaka kwa shetani kuharibu usawa wa Mungu. Amen. Cependant, Japo, le véritable enseignement des apôtres mafundisho ya kweli ya bamitume a subsisté dans toute sa clarté. Iridumu katika wazi ya yoyote. L'église est édifiée sur le véritable fondement posé par Dieu. Kanisa najengwa na msingi ya Mungu ya kweli. Sur lequel elle est inébranlable. Yulu yayo hayezi kutigizika. Les élus forment une maison spirituelle bateule banatunga nyumba afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et jusqu'à la fin, la véritable église demeure la maison du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Alléluia! Notre colonne colonne, nguzo yetu, c'est l'appui de la vérité. Nitegemeo ya ukweli. Alléluia. Amen. Et si nous sommes les enfants de Dieu, si, si, tuku batoto ya Mungu, nous devons garder l'atmosphère spirituelle. Unapashi kuchunga dalili ya kiro. Pourquoi? Dieu a nini? Parce qu'aujourd'hui, Dieu leo, le diable Shetani s'est infiltré partout. Anajingiza fazi yote. Le diable cherche toujours des hommes. Shetani unatafuta paka batu. Il ne prendra pas ceux qui sont dehors. Asa tafuta bale beko inje pana. Il prendra toujours ceux qui sont à l'intérieur. Atatafuta paka bale beko mkanisa. Pour les utiliser. Kwa kubatumikisha. Pour détruire le programme de Dieu. Pour détruire l'ordre divin de Dieu. Mais celui qui a l'église de Dieu doit garder l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle, c'est la vérité dans nos cœurs. La vérité dans nos vies. Si nous avons la vérité dans nos vies, si nous avons la vérité dans nos cœurs, croyez que notre église sera toujours spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. C'est pour cela. Si tu es chrétien, tu dois ouvrir la porte de votre foi. Est-ce que vous me comprenez? Ouvrez la porte de votre foi pour faire entrer Christ, pour qu'il soit votre conducteur. Un frère, les alakis, mais les lots, fungula ro, kotisa yes, azala katina yo, azala mokambina yo. Alléluia! Amen. Molobelina yo. Alléluia. Amen. Parce que si Christ est en toi, kama Christ est kondani ya, c'est lui-même qui va te diriger. C'est pour cela, frère Jean dit, celui qui est en Christ, Christ ne pêche point. Atenda que parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Parce que la vie de Dieu est en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le dirige. C'est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Frère, Nduku. Nana loba keloko yobu. Mina sema ka imamu. Inutile ya to koma ko forsa kabino. Aina ya mafato anze kumikazisha. Ko forse mutu te. Ushikaze mutu. Tikaye. Umwache. Compréhension. Kuelewa. Nzambe ye moka pesaka. Mungu ye mwenye njwa taileta. Parfo yo zo mona ye kaza mona na nzambe. Kazingino unawazia sema. Toka leo za kana mona na nzambe te. Kupi ye kalaki ata mtoto wa Mungu. Pour mon enfant, il a la tête. Du mutoto à Mungu kalake. Ayo kagate. Ah si washipa kushikia. Hey. Oh mon enfant, nige nini? Mutoto wa Mungu anamna kaniwe. Un enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. Tete. Wa kicho musumari. Un enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. Rejette les conseils. Anakatala mashauri. Et les conseils qui parviennent de la parole. Shauri ya kutokea kunene. Comment tu peux refuser ça? Unakanuta ikatala. Un enfant de Dieu. Mutoto wa Mungu. Doit être soumis à la parole. Anapashi kuti neno la Mungu. Ouvre ton cœur. Laissez le Seigneur entrer dans ta foi là. Le prophète dit, Nabi anasema, frère viens. Nduku karibia. Tu dois laisser Dieu entrer. Unapashi kumwacha Mungu aingie. Ah, bientôt la fin. Ah, jusqu'ici. Nous allons terminer. Tout à malise, le message à l'église de l'Odyssée. Ni ujumbe kukanisa la Odikia. 1958. Ya 1958. Page 14. Kartasi ya 14. Eh bien. Muzuri. Il nous faut le laisser entrer. Inapashi tumuache ingie. Et quand il entre, wakati akiingia, adorez-le, umuabudu, et dites, na useme, entre Seigneur, uingie Bwana, sois mon Seigneur, uwe Bwana wangu, sois mon Dieu, uwe Mungu wangu, sois mon Maître, uwe Bwana wangu, sois mon guérisseur, uwe mtunzaji wangu, sois tout ce que je désire savoir dans la vie, uwe yote ile mimi natamani kujua, sois mon Seigneur, uwe Bwana wangu, prends tout ce que que j'ai, Seigneur, et dirige cela. Prends mes émotions. Je n'aurai plus honte. Prends mon orgueil. Tiens-toi à la porte et habille-moi, Seigneur. Habille-moi de ta parole. Alors, vous allez voir un réveil commencer. Reste dans ma vie privée, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Que je ne prenne pas mes propres pensées, mais que je prenne les tiennes, ô Dieu. Conduis-moi, ô Seigneur. Il ne vous séparera jamais de la parole. Il vous gardera en plein dans sa parole. Pas parce que les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens le font, mais parce que la parole de Dieu l'a dit et que vous croyez cela. Citation 32. L'homme qui est né de l'Esprit de Dieu rencontre quelque chose que personne n'ôtera jamais de lui. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile tant qu'il n'a pas été d'abord sur les sables sacrés de derrière le désert. Il y a dans ce monde des théologiens brillants, bakili, intelligents et capables de tout expliquer, de tout enlever, même la Bible entière. Ils peuvent entortiller votre esprit et tout le reste, mais si vous laissez Dieu entrer pleinement dans votre cœur et si vous faites cette expérience de derrière le désert, alors frère, tous les démons venant de l'enfer ne sauraient venir sur ce terrain où vous êtes. C'est quelque chose de réel. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gardons l'atmosphère. Tutunge dalili. Gardons l'atmosphère. Tutunge dalili. Si vous êtes chrétien, kama ukumu Kristo, vous attendez la venue du Seigneur. Unachunga kurudi kwa Bwana. Gardez l'atmosphère spirituelle. Utunge dalili ya kiro. Retenez la parole. Ushike neno. Parce que derrière cette parole, nyuma ya hii neno, il n'y aura pas une autre. Akutakuwa ingine. Qu'il viendra pour vous. Ile takuwa juu yako. Rappeler encore. Jau kukumbusha tena. C'est une interpellation. Ni kushaishi. Parce que Jésus revient bientôt. Wani Yesu Kristo anakuja sasa hivi. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa. Est-ce que vous êtes avec moi? Unanifuata. Pasteur, lisez acte Galates chapitre 5. Wa Galatia sura 5. Prenez verset 5. Mustari Atano. Galates chapitre 5. Wa Galatia sura yake Atano. Verset 5. 5 jusqu'à. Mustari Atano kufika na. Pour nous, kwetu sisi, c'est de la foi que nous attendons. Kwa imani njo kule tuko na chunga. Par l'esprit, kupitia roho, l'espérance de la justice. Atumaini ya uhaki. Car en Jésus-Christ, kwani ndani ya Yesu Kristo, ni la circoncision, wala kutahiriwa, ni l'incirconcision, wala kukosa kutahiriwa, n'ont de valeur, aina na bei, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alakini ni paka imani yenye kutenda kupitia mapendo. Vous courriez bien. Mulikuwa natembea mzuri. Qui vous a arrêté pour vous faire empêcher d'obéir à la vérité? Nani ula na misimamisha juu kumizuiza mchitite na ukweli? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Uvuto haitoke kwa ula na miita. Un peu de levain. Chacho kidogo. Fait lever toute la pâte. Ikuna pandisha mkate yote. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour clôturer, prenons aussi Hébreu, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Hébreu. Ok. Ce qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Benye kwa na masikio basikie kile Roho iko nasema kwa kanisa. Hébreux combien? Prenez 9 frères. Hébreux jusqu'à 12 on clôture là. Hébreux 9. Hébreux sura 10 verset 12 Hébreux chapitre 6 verset 9. Hébreux chapitre 6 verset 9 sita mustari ya kenda hadi 12. Hébreux 6 verset 9 jusqu'à 12. Hébreux sita 9 12. Quoi que nous parlions ainsi bien-aimés, hata kama tukisema hivi bapendwa, nous attendons pour ce qui vous concerne tukunachunga kwa ile na mielekea des choses meilleures et favorables au salut, bitu bizuri na vya kusaidia kuokovu, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Mungu ana mzalimu njua pati kusabu matendo yenu. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Na mapendo ile mlionyesha juu ya jina lake. Et a rendu et rendant encore des services au saint. Mwenye kutumikia na yeye anaendelea kutumikia tena watakatifu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tunatamani kila mmoja wenu apate kuchunga bidii juu ya kuchunga kufika na mwisho kwa matumaini yenu ya utele. En sorte que vous ne vous relâchez point. Mnamna kusema mshachilie kamwe. Et que vous imitiez ceux qui. Ili mpate kufatirisha bale bo kupitia. Par la foi. Kupitia imani. Et la persévérance. Na kudumu. Hérite des promesses. Anairiti malako. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kwa neno lake. Qu'il vous donne richement. Na mibariki sana. Gardons l'unité de la foi dans l'église. Tuchunge umoja wa imani mkanisa. Soyons spirituels. Tuwe bakiro. Jésus revient bientôt. Yesu yuko narudi sasa hivi. Bien-aimé. Bapendwa. Ne travaillez pas pour les gens. Mushitumike juu ya Bwana. Travaillez pour le Seigneur. Mutumike juu ya Bwana. Lorsque tu viens ici. Wakati unakuja hapa. Regardez ce qui est à l'invisible. Wangalie bitu yasipoonekana. C'est là où viendra votre rémunération. Kule kutatokea malipo yako. Si vous croyez au Seigneur. Kama unamwamini Bwana. Croyez que vous ne serez plus jamais confus. Waamini ya kwamba utapatishwa kamwe haya. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il faut beaucoup prier pour nous. Inapaswa kutuombea sana. Je vous aime. Nami penda. Si le Seigneur traîne encore. Kama Bwana anagawia. Nous allons nous revoir. Tutaonana tena. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Tusimame juu ya kumuomba Bwana. Jésus revient. Amen.